Et bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et au choix musical. Et Marc Chaunet à l'animation avec deux heures de bon rock progressif. Et ben, comme d'habitude, Bruno nous a concocté une sélection là, du meilleur du rock progressif d'aujourd'hui. Et on va débuter avec Richard Schoblum avec son album The Unbendable Sleep. Et Richard Schoblum qui joue maintenant dans Big Big Train et qui était avant dans Bearfish. Et c'est un superbe album, surtout la pièce que Bruno a choisi, Rhyme and Reason. Et ensuite, on ira avec Il Castello di Atlante, une formation italienne que des musiciens qui ont débuté dans les années 70, mais dont le premier album est paru seulement en 94 et qui ont plusieurs albums. Ça, c'est leur avant-dernier, paru en 2014, Ax Atlantis. Et on aura la pièce Il Tesoro. Il Tesoro Ritrovato. Voilà. Alors, mais d'abord, ça doit être le trésor retrouvé, j'ai l'impression. Et c'est d'abord Richard Schoblum. Woke the beast again.

ma quanto amore, l'arcobaleno di sensazioni che mi regali è un grande tesoro che splende dentro te. We'll be right back. CKRL 89.1. N'attendez plus, faites-le aujourd'hui. Renouvelez votre carte de membre sur ckrl.qc.ca. Votre carte ne coûte que $25 et elle est valide pour un an à partir de la date d'adhésion. Vous êtes artiste et vous cherchez un nouveau défi? CKRL lance le concours Talent en scène à la Korigane dès le 4 septembre. Chant, musique, poésie, slam, humour, soyez l'un des 32 artistes à participer à notre concours. Vous pourriez gagner un spectacle avec cachet dans la programmation 2019 de la Korigane, une campagne publicitaire d'une valeur de $1000 à CKRL, une session live enregistrée ou encore une séance photo professionnelle. Inscrivez-vous dès maintenant sur notre site ckrl.qc.ca. Les sélections ont déjà commencé. Au mois d'août, voyez au cinéma Le Clap, Fleuve Noir et Mika et Sébastien dès le 3 août. Dans la brume dès le 10 août. Les As de la jungle et Le rire de ma mère dès le 17 août. Petite Italie dès le 24 août. Drôle de père et King le commencement dès le 31 août. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! De retour avec l'équipe de Terra Incognita, Bruno au choix musical ce soir et Marc Chaunet. Et on est là avec la bonne musique du rock progressif d'aujourd'hui. On a écouté Il Castello di Atlante de l'Italie juste avant la pause et Richard Schoblum. On poursuit maintenant avec un groupe américain, mais juste avant je vais vous parler un petit peu d'ici une semaine ou deux. Si vous allez sur notre page Facebook, devraient être annoncés les groupes qui vont être au Festival Terra Incognita, puisqu'il y aura une 15e édition en 2019, les 17, 18 et 19 mai prochains, là, au Centre d'art La Chapelle. Et Michel disait que la plupart des groupes, là, il semble la majorité des groupes sont confirmés et puis ils devraient être annoncés bientôt. Ceux qui sont abonnés à notre page Facebook ou qui suivent notre page Facebook auront l'exclusivité lors de l'annonce là, des spectacles pour réserver leurs billets pour le festival. Encore cette année, ça risque d'être, en tout cas, je pense que Michel a préparé quelque chose de spécial pour le 15e anniversaire, la 15e édition du Festival Terra Incognita. Alors, on y va en musique avec Eden Song, qu'on a vu justement au festival qui avait donné toute une prestation tirée de Years in the Garden of Years. La pièce Chronos, on aura également Anecdoton, un autre qui nous ont visité dans le cadre du même festival, tirée de Until All the Ghosts Are Gone, la pièce Our Days Are Numbered, et également la formation américaine Troposphère et leur premier album éponyme, la pièce Lighter Than Air. On y va tout de suite avec Eden Song. Thank you. c'est le groupe américain Troposphere. C'est leur premier album, c'est la pièce Lighter Than Air, qui faisait très, je trouvais, années 60 un peu, même si c'est tout récent, là, c'est un an ou deux. Il y avait juste avant Anecdoton, leur plus récent, et Eden Song également. C'était vraiment un très bon bloc musical, moi j'ai trouvé. J'espère que vous appréciez. Bruno, il sort toujours les petites perles. Je vous parlais un peu tantôt là, en mai prochain, il y aura le Terra Incognita, mais plus proche de nous, il y a quand même d'autres spectacles là, à partir du mois de septembre-octobre. Prague Story le 8 septembre à Jean-Paul Tardy. Il y a Terry Bozzio aussi à Jean-Paul Tardy le 10 septembre. Il y a également le 3 octobre IQ à Jean-Paul Tardy. Le 10 octobre, on pourra voir la tournée d'adieu des Straubs au Palais Montcalm. Et le 13 octobre, The Deep Project à la Margelle du Cégep de Sainte-Foy pour le lancement de leur nouvel album. Également, il y a le 23 novembre, il y a Gong avec Stevie Dage. Gong qui sont des nouveaux musiciens, tous sauf Stevie Dage, puisque Stevie Dage et Didier Malherbe sont les seuls membres survivants de la formation Gong maintenant. Mais en fait, moi, je vous recommande quand même de suivre ceux qui aiment cette musique. Et voilà. Alors, on ira en musique avec Ostsonaten, juste après la pause. Ostsonaten de l'album Winter Through et la pièce Rain Sweet, ça c'est super bon. Et après ça, c'est Andrea Orlando et leur superbe album paru l'an dernier, De la Vita Authentica, la pièce titre de cet album-là. Alors, un beau petit bloc italien là, pour le prochaine demi-heure, là, juste après cette pause musicale. On y va tout de suite. 89.1. C'est le retour de Jack White. Live, en concert, la tournée canadienne mettant en vedette son nouvel album, Boarding House Reach. Le 12 novembre au Centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Ne manquez pas Jack White pour un soir seulement. Sortie culturelle. À surveiller dans la programmation automne-hiver 2018-2019 de CKRL, Gita Cultural. Sortie culturelle à la Korrigane. Votre nouveau rendez-vous hebdomadaire dès le 4 septembre. Plus d'informations lors du lancement de la programmation de CKRL le 31 août. Excursion culturelle. Cultural Journey. adesso mostrami la vita autentica. Fammi conoscere la vita autentica. C'est KRL. CKRL est présentement en campagne d'adhésion 2018-2019 et c'est le temps de renouveler votre carte de membre ou de le devenir. Adhérez avant le vendredi 31 août 19h et soyez éligible au tirage d'un certificat cadeau d'une valeur de 300$ lors du dévoilement de la programmation automne-hiver en formule 5 à 7 dans les studios de CKRL. Renouvelez votre carte de membre au 418-640-2575, poste 201 ou au 405 3e avenue Alimoilou et avec PayPal sur ckrl.qc.ca. Votre carte ne vous coûte que $25 et elle est valide pour un an à partir de la date d'adhésion. Faites-le aujourd'hui. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Festival d'été de Québec, Spira, La Croisée, Centre d'art La Chapelle, L'Ampli de Québec. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Et de retour, ce qu'on avait eu, c'était Andrea Orlando, juste avant la pause, tiré de leur premier album, son premier album, Della Vita Authentica. C'était la pièce titre de cet album. Vraiment excellent, hein? Je pense que vous avez aimé. Ce bloc italien qui a débuté avec Ost Sonaten, tiré de l'album Winter Through, et la pièce Rain Sweet. On poursuit maintenant avec un groupe de l'Islande. Ça, c'est une rareté, hein? Il y a toujours des raretés dans les choix de Bruno. Eldberg. Et leur album, premier album éponyme, paru en 2011. Donc, allez faire un tour sur notre site pour voir les titres des pièces, parce que je ne la prononcerai pas celle-là, c'est en islandais. Et c'est sur www.terraincognita.québec, dans la section radio que vous avez ça. Et allez faire un tour aussi sur notre page Facebook là, pour avoir des nouvelles sur... sur la bonne musique et il y aura des annonces bientôt qui seront avec les groupes qui seront au 15e festival Terra Incognita. On aura également après Eldberg de l'Islande, on aura Logos de l'Italie tiré de l'Enigma della Vita et on fera une transition avec l'autoroute avec un souvenir de 1971 mais c'est une pièce sur qui apparaissent sur la remasterisation de l'album In Search of Space. Alors, c'est une pièce qui était inédite à l'origine en 1971, la pièce Silver Machine. On débute avec Eldberg. Thank you. tettur voru lífi öll á burt og hann gerir okkur sljó. Hann gefstu og gengur út á vill, hver stjórnar okkur þá? morgunin vaknar og opnar annar augað upp á gátt en samt eins og himinn kvolfin snúist allt og frátt þú dag þennan tekur telur þín nýta hann til fulls síðan meitir tíminn þér frí til tveggja daga En tíminn líður sérðu lífið laupa framhjá augum þér og þú finnur ein til gangi Æfin líður líkt og hræðist það að stað í tímans tönn og aldrei snýrðu aftur Lukka heims lær raða sér hver dag Þarfir hvers og eins Sjáðu fortíð gleypa framtíðina sem verður þá eitt tíð Því nútíð eina skeiðið sem alltaf verður við Allt sem að liðið mun gleymt og grafið í tímans förnu leið og kemur til með að hvíla handan mistur smána. Tíminn hverfur líf sem fallið tátt bræðir lífsins skaut hverfur mun og verða á sín Lítur klukkulagt mannkinni streyma fram úr sér en aldrei finnur það frí Leysi reyka sándauðans djúpi Á slöfum reyki sér á svelli Og beru grjóti Fyrr en varir heimur tekur þig á brötu Á skopun í rannat og liggur þar Í lausu lofti tíminn ferðast á hraða ókannaðan heim drottin gefi okkur nýjan dag eftir hún kemur upp við enda eins dýrða ljómin bak við krukna hljómin ómar fjara

andrà e peggio filtrare nella polvere i resti di una fiamma rimasta accesa. La userai per scaldarti e illuminare la tua casa e la tua strada. C'est sur la musique de Hawkwind qu'on va se laisser ce soir. Alors, c'était le choix musical de Bruno, vraiment excellent. Bruno Côté à la mise en onde et au choix musical, donc. Marc Chaunet à l'animation avec vous. Depuis 22 heures, on a eu, ce qu'on écoutait, c'était le groupe italien Logos, tiré de l'Enigma de la Vita, et juste avant, le groupe de l'Islande, Eldberg. Alors, on vous souhaite une bonne semaine. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Restez les nôtres pour l'autoroute dans quelques instants avec Jacques Dulac. On vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Say I should accept.